Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci d'être là. On est particulièrement ravis à la librairie 47 degrés Nord de recevoir Marie-Hélène Lafont pour ce dernier roman, Hors champ. Hors champ qui s'ouvre sur cette citation liminaire de Vincent Van Gogh, « La tristesse durera toujours ». L'importance chez Marie-Hélène Lafont ces citations comme ça, liminaires, qui annoncent aussi, qui annoncent quelque chose, qui annoncent une voie, qui annoncent aussi une manière de voir. L'importance évidemment de la peinture. Vous aviez consacré un ouvrage à Cézanne. Et 25 ans avant, dans Le Soir du Chien, vous ouvriez aussi sur une citation d'un peintre, Pierre Bonnard, le 9 novembre 1930. Dessine la main légère, forme de l'ombre. D'où l'importance, voilà, de cette manière comme ça de saisir des corps, de rendre compte, de faire voir des paysages. Il y a 25 ans, vous aviez ces premières phrases dans Le Soir du Chien. Elle portait des mitaines et surveillait d'un œil distrait ses deux sœurs en maillot de laine rose. Elle lisait en noir, dans le soleil, elle lisait. Les autres autour d'elle étaient presque nus, insolents de peau. Ils riaient, criaient dans la grande lumière d'été. Et dans cette première phrase d'un écrivain qui s'autorise aussi à publier à 34 ans, grâce aussi à des figures tutélaires d'auteurs vivants, on en parlera, des gens comme Pierre Bergougnoux, comme Pierre Michon, la lecture, la lumière... Et à ces quelques phrases publiées il y a 25 ans, extraites du Soir du Chien, on va entendre les phrases, le premier tableau de cet hors-champ lu par Marie-Hélène Lafont. Nous écoutons. Merci à vous pour cette entrée en matière et à vous d'être là. La balançoire grince sous l'érable dans la cour verte et bleue. Claire et Gilles sont ressortis en pyjama après la grande toilette du samedi. Leur mère n'a rien dit. Elle était trop occupée à ranger les affaires du bain, la bassine, la serviette, le gant. Gilles ne se balance pas. Il est assis sur le mur du jardin et il regarde devant lui. Il ne regarde pas sa sœur. Il ne l'accompagne pas, comme il le fait parfois en imitant le mouvement de ses jambes pour se donner de l'élan. Claire sent qu'il est là sans être là, comme s'il avait le pouvoir de sortir de son corps quand il le veut ou quand il a peur. Il n'a peut-être pas envie de revenir. Il n'est pas encore revenu avec elle, avec eux, à la ferme, dans la cour, dans le soir de juin. Il faut attendre qu'il revienne, s'il revient. Elle se balance et elle pense au gros lapin roux qui s'est échappé la veille, le matin, au moment où la mère se baissait pour refermer la porte du clapier. Elle a tout vu. La mère a crié, mais le lapin a traversé la cour en trois bonds et il n'a plus été là, comme par magie. Elle regrette ce lapin et sa fourrure épaisse, très douce, que l'on pouvait caresser du bout des doigts à travers les barreaux de la cage quand il tournait le dos à la cour. Elle sait où est le bois des renards. Au fond du pré, derrière la grange. Ce gros lapin roux n'a aucune chance. Il est peut-être déjà mort. Elle inventera une histoire pour Gilles, une histoire de lapin qui trouvait sa cage trop petite et a préféré les bois, les prés, les renards. Et ils s'amuseront à faire semblant. Ce qui est très beau, Marie-Hélène Lafont, dans cette ouverture, puisque Hors-champ est constitué de 10 tableaux, où vous allez embrasser à la fois le point de vue d'un frère et d'une sœur, de Gilles et de Claire, Gilles, qui reste, lui, à la ferme avec ses parents, dans un pays dont vous vous êtes arraché, mais que vous retrouvez, et Claire, figure métaphorique aussi de l'autrice qui, elle, fait des études et se met à écrire. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a cette phrase, elle inventera des histoires pour Gilles. Et ce qui est assez saisissant, c'est à quel point, dès ce texte inaugural, dès ce tableau inaugural, vous saisissez la lumière, les corps, les voix. Et pour amorcer cet entretien, je voulais vous faire écouter une première voix, celle d'un auteur, je crois, qui vous est cher et qui va parler du statut du romancier. Mais ce mot-là de romancier ne lui plaît pas beaucoup. Il en préfère un autre. Et voilà. Et je pense que vous vous retrouverez davantage dans cet autre nom que donne John Berger au statut de romancier. On va entendre la très belle voix de John Berger. C'était au micro de Laure Adler sur France Culture. J'ai toujours refusé la nomination d'être romancier. Même que j'ai écrit pas mal de livres de fiction qui, on pourrait dire, sont les romans. Berger, qui a obtenu le Booker Prize en 72, c'est un roman. Oui, tout à fait. Mais je n'aimais pas cette définition de romancier. Et j'ai toujours dit, non, je suis plutôt un raconteur. Raconteur. Oui. Et quand vous écrivez King, oui, votre livre King, oui. Vous êtes raconteur d'histoire des SDF. Comment vous travaillez pour pouvoir écrire King? Well, d'abord, King est un chien. C'est le nom du chien. Oui, et lui, il est le raconteur. Oui, bien sûr, j'ai passé pas mal de temps avec les SDF dans les hostels et les choses comme ça. J'ai beaucoup écouté, plutôt de les questionner. Mais il faut dire peut-être que si vous êtes un raconteur, vous êtes toujours en train d'écouter et de suivre ce que la vie livre à vous, à vos yeux, à vos oreilles, à votre nez. Et pour être prêt de recevoir tout ça, il faut être extrêmement concentré. Marianne Lafont, à l'instar de John Berger, plutôt qu'une romancière, moi je sens vraiment quand on vous lit que vous êtes une raconteuse, une écouteuse, et que vous servez évidemment de vos yeux, de vos oreilles et de votre nez. Oui, c'est ce qu'il a dit, il a bien dit le nez. Hein. Oui. J'aime énormément son accent. En fait, je l'ai lu, mais je crois que je ne l'avais jamais entendu. Je n'avais jamais entendu sa voix. Et évidemment, cet accent anglais persistant, alors qu'il a vécu très très longtemps en France, je crois, hein, ça vous a un petit côté de Jane Birkin en moins factice, vous voyez, et ça donne un charme incroyable. Hein. Alors, moi, je récuse raconteuse, pas du tout écouteuse. Alors là, pour écouteuse, comme il a raison, et comme il y a toujours... chez moi, en tout cas, c'est toujours là, et je pense que c'est là chez beaucoup d'écrivains. Il y a toujours une part de nous qui est à l'affût, vous voyez, qui est en état de porosité, voilà, d'être traversé absolument partout. Voilà. Et notamment, évidemment, par ce qui est raconté, mais pas seulement. Voilà. Par ce qui est vu, par ce qui est senti, par ce qui est perçu, par tous les sens, les cinq répertoriés dans la nomenclature officielle. Et j'aime à dire volontiers qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas de nom. Voilà. Et en revanche, raconteuse, moi, beaucoup moins que John Berger. Moi, je dis travailleuse du verbe. C'est ça que je dis. Vous voyez ? Donc, écouteuse, travailleuse du verbe. Je ne dis pas que je ne raconte rien. Je ne dis pas que je ne raconte pas d'histoire. Mais elles sont quand même extrêmement ténues. Hein, voilà. En d'autres temps, mes élèves eussent dit « Madame, il ne se passe rien, il n'y a pas d'action ». Voilà. Hein. C'est vrai que, vous savez, en ces temps où sévit le régime du pitch, hein, alors là, le pitch de mes livres, il est sec. Hein, voilà, hein. Ça, c'est sûr. Ce qui m'engage beaucoup plus que de raconter des histoires, même si je ne nie pas qu'il y ait une chaire narrative dans mes livres, bien sûr, hein, mais c'est le montage, comme on le dirait au cinéma, vous voyez. Voilà, hein, c'est voilà, comment on va s'arranger avec la chronologie, par exemple. Vous voyez, Orchamps est chronologique. Je ne l'ai pas écrit chronologiquement. Les 10 tableaux d'Orchamps, plus l'entrée en matière, n'ont pas du tout été écrits dans l'ordre dans lequel ils sont publiés. Vous voyez. Et donc là, le travail de montage, en quelque sorte, il est allé exactement à l'inverse de ce que j'avais fait pour Histoire du Fils. Vous voyez, hein, où je joue constamment avec la chronologie. Voilà, hein, ce qui nous donne 100 ans. Là, on a 50 ans et dans Histoire du Fils, on en avait 100. Hein, très, très ramassé avec des sauts et des gambades dans le temps. Alors qu'ici, on a Gilles a 4 ans et il aura inéluctablement 55 ans. Hein, voilà. Mais ce que dit John Berger me paraît parfaitement pensé et parfaitement éprouvé à la fois, agi à la fois. Parce que ce qui me fascine beaucoup chez cet homme-là, c'est qu'il a été pleinement engagé dans toutes sortes de moments de sa vie. Et en même temps, quand on l'écoute, on sent que c'est quelqu'un qui a un fort appareil conceptuel, vous voyez. Et il est à l'aise dans les deux registres. Voilà. Et si vous n'avez jamais lu John Berger, pour moi, hein, les deux livres de lui que je trouve les plus... Mais je n'ai pas tout lu, loin de là, hein, mais que je trouve les plus saisissants. C'est un tout petit texte qui a été publié à l'Olivier avec des photos et qui s'intitule, je sais qu'il a été réédité, « Un métier idéal ». Et John Berger a suivi en Angleterre, là pour le coup, un médecin de campagne. Il l'a suivi dans ses tournées. Et là, je peux vous assurer qu'il était, il avait toutes les écoutilles ouvertes. Hein, voilà. Et... Par ailleurs, un texte de lui beaucoup plus connu, je crois, qui s'intitule « La cocadrille ». Voilà. La cocadrille, c'est une femme, c'est une paysanne. Et c'est le nom qu'on lui a donné. Ce qui vous intéresse, vous, Marine Lafon, c'est ce travail justement de la chair travailleuse du Verbe. L'évangile selon Saint Jean s'ouvre par cette phrase « Au commencement était le Verbe mm-hmm. ». Au commencement était le Verbe. Donc il y a cette idée que le Verbe doit s'incarner. En même temps, vous avez une force incroyable, et c'est en ça, effectivement, vous êtes une écouteuse, d'écouter les non-dits, d'être à la lisière du disciple, et finalement, de faire entendre les silences. Puisque à travers ces 10 tableaux, on entend les silences de Gilles qui... ne sait pas parler comme sa sœur, les silences aussi de sa sœur qui a du mal à parler avec son frère. Comment s'opère ce travail justement d'écoute, d'être une écouteuse du silence entre les corps? C'est beaucoup de travail. Voilà. Il s'opère d'abord le travail dans la longue durée, vous voyez, dans la répétition. Voilà. Alors, y a des silences dans tous mes livres, hein. Et nombre de mes personnages sont des empêchés du verbe. Hein. Par exemple, il n'y a pas de dialogue dans mes livres, déjà. Hein. Et ça ne veut pas dire que d'ailleurs, que mes personnages ne se disent rien les uns aux autres, mais ils ne se le disent pas avec le langage, avec les mots. Ils font autrement. Hein, que ce soit d'ailleurs dans la douceur ou dans la violence. Hein. Dans l'annonce, par exemple, il y a la tarte aux pêches, hein, pour dire à Paul qu'on l'attend et qu'il a une place et que l'apprivoisement du couple se fait. Annette fait des tartes aux pêches, vous voyez. Bon, dans Orchamps, on n'est pas tellement dans ce registre-là. Hein. Et on se dit aussi, en quelque sorte, des choses terribles par des gestes, hein, par des protocoles qu'on met en place. Hein. Le père et le fils travaillent ensemble dans la ferme, hein, et comme ils font absolument tout pour se fuir, hein, quand il faut absolument passer par la parole, c'est-à-dire quand le père doit absolument dire quelque chose au fils concernant la ferme, hein, ils s'arrangent pour le lui dire en le moins de mots possible le matin entre 7 et 8 heures quand ils se croisent à l'étable. Hein, vous voyez ? Donc, voilà, j'appelle ça les rituels de peu de mots. Hein. Bon, on n'en a pas beaucoup. Et en effet, c'est une sorte de corde raide sur laquelle se tiennent tous mes livres, celui-là peut-être un peu plus que les autres, hein, c'est-à-dire que, et un paradoxe, hein, dire des silences avec des mots, puisque moi je n'ai que les mots comme matériaux. Bon, alors, d'abord j'écris serré, je pratique l'ellipse, hein, et j'essaie de saisir, de camper, de faire chair, le verbe s'est fait chair aussi, hein, voilà, avec, si vous voulez, quelques mots, le juste mot à la juste place, faire rendre au mot tout son jus, voilà, hein, pour faire percevoir, faire sentir et ressentir, voilà, sans pathos, mais avec de l'émotion, je ne comprends pas les deux, hein. Le pathos, j'essaie de m'en garder absolument. Il serait totalement obscène dans un contexte pareil. Mais l'émotion, oui, évidemment. Hein. Et j'essaie de me tenir dans ces lisières-là, hein, qui sont très incertaines et très mouvantes, hein, pour qu'on entende les silences de Gilles, les silences assourdissants de Gilles. Et vous avez raison de dire que la sœur, qui, elle, a priori, à embrasser la cause de l'école, qui aime l'école et que l'école aime, hein, qui ensuite va faire l'école elle-même, hein, d'une part et d'autre part écrire des livres. Donc la sœur qui, ailleurs dans le monde, hein, a la maîtrise du verbe, quand elle revient à la ferme, hein, dans le giron familial, si on peut appeler ça comme ça, elle perd la maîtrise du verbe. Hein, elle a aussi, elle en est réduite à des protocoles de peu de mots et elle en est réduite à des gestes. Changer les draps du lit du frère pour qu'il comprenne qu'elle est venue quand elle ne le voit pas, vous voyez ? Parce que parfois, elle ne le voit pas quand elle vient. Hein, répéter cette phrase. Hein, si un jour tu veux arrêter tout ça, tu peux compter sur moi. Voilà. Elle répète cette phrase dont elle-même, elle ne mesure pas totalement la portée et dont elle voit bien, hein, qu'elle reste opaque aux yeux de son frère. Hein. Et en même temps, c'est comme une sorte de corde qu'elle lui lancerait, hein, et à laquelle il pourrait s'accrocher dans l'abîme, vous voyez, hein. Bon. Donc, on fait ce qu'on peut avec les mots. Hein. Et dans cette famille, on ne peut pas grand-chose. Hein. Elle a aussi un protocole de mots avec sa mère. Avec la mère, on parle des autres, c'est-à-dire du village. Voilà. Hein. Ça dit des choses aussi, ce que l'on dit des autres. Ça dit des choses de soi, hein, ce que l'on en dit, ce que l'on n'en dit pas. Hein. On en entend un écho quand elles sont toutes les deux le soir de la fête et qu'elles regardent le feu d'artifice. Hein. On entend les cloches des vaches des voisins. On sait que c'est les vaches de Patrick. Et la mère parle du mariage de Patrick, auquel le frère est convié. Ça veut dire, le sous-texte, il y a du sous-texte, mais qu'on ne déploie pas, évidemment, mais que les lecteurs vont déployer. Hein. Le sous-texte est « Ton frère est invité, donc ton frère est encore parmi les jeunes. Et ton frère peut encore se marier, entrer dans cette normalité. » Voilà. Hein. Et ça, c'est le sous-texte de la mère. Et le sous-texte de ce qu'entend Claire, c'est « Il n'est plus jeune. » On continue à l'inviter, mais il n'est plus jeune. Voilà. Il entre dans cette catégorie, hein, qui finira vieux garçon. Voilà. Et tout ça, c'est dans les marges. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir des lecteurs, hein, qui s'arrangent très bien avec les marges. Je peux vous assurer que chaque fois, là, donc, le livre est sorti tout récemment, donc je commence seulement à l'accompagner, mais encore une fois, hein, cette longue patience avec le silence, hein, elle est présente dans tous mes livres quasiment depuis le début. Hein. Donc, combien de fois j'ai eu l'occasion de voir à quel point les lecteurs, enfin vous en l'occurrence, hein, habitaient ces silences, chacun à sa manière. Voilà. Hein. Bon, je dis toujours que la lecture, c'est l'auberge espagnole, on apporte son manger. Hein. Voilà. Bon. Eh bien, là, pour le coup, ça peut servir. Hein. Marine Lafont, chaque livre qui s'amorce, qui s'annonce, qui germe, s'appelle chez vous, et c'est très beau, un chantier. Oui. Ce n'est pas un projet littéraire, c'est un chantier. Oui. Et vous le disiez dans un très bel essai, quand j'ouvre un chantier, je ne sais pas si j'irai au bout, si ça deviendra un livre. En d'autres termes, s'il m'apparaîtra nécessaire et évident, au bout d'un certain temps, de prélever sur la masse textuelle dans la carrière de mots un morceau, une pièce, un fragment qui ferait livre, comme on fait bande à part, sans cesser d'appartenir. Et ces corps, ces motifs que sont Gilles et Claire, on les a déjà retrouvés auparavant dans « Vie de Gilles », titre éminemment michonien, on pense aux « Vies minuscules », texte essentiel pour vous, et aux sources où on retrouvait déjà ces deux personnages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, vous avez parlé justement de corde raide. Et dans cette idée de corde raide, il y a une idée de tension. Et je voulais vous faire entendre la voix d'un auteur, un autre auteur, pour qui le sujet était très important, mais plus précisément que le sujet. Dans le sujet, c'est l'écriture, c'est Julien Gracq, dans un siècle d'écrivains. Julien Gracq qui avait autorisé quelques interviews, mais uniquement des interviews audio, jamais des interviews filmées. On va entendre cette très belle voix à Julien Gracq, Rocailleuse, qui va nous parler du sujet et ce qui s'impose pour lui dans un sujet. Alors, comment se présentent pour vous les sujets? Qu'est-ce qui s'impose dans un sujet? La situation, la mise sous tension d'un lieu? Oui, c'est en effet un champ sous tension, je l'ai dit, qui m'attire. Ce n'est jamais le portrait d'un personnage, ce n'est pas non plus un paysage. Un paysage ne peut pas fournir un ouvrage de fiction, on ne peut pas nourrir seul un ouvrage de fiction. Mais c'est pratiquement un lieu où il existe une tension. Il existe une tension entre les personnages ou même simplement par la nature du lieu où ça se passe. Deux de mes livres se passent, les deux derniers romans, ils se passent le long d'une frontière. La frontière est un lieu de tension en soi-même, surtout quand la guerre est en vue ou qu'elle est déclarée, comme c'est le cas. Et alors là, je suis plus à l'aise, si vous voulez. C'est là, à partir de là, que j'ai envie d'écrire. Parce que il y a une électrisation qui se produit, mais qui touche à la fois, si vous voulez, les paysages, les gens qui s'y trouvent et les événements. Julien Gracq dit une électrisation qui touche les paysages, les gens et les événements. Est-ce que c'est ce que vous cherchez aussi? Est-ce que vous ressentez au moment même de l'écriture, vous parliez de cette corde raide, cette électrisation qui touche les différents personnages avec ce champ sous tension, avec ces paysages que vous connaissez bien, dont vous êtes arraché dans le Cantal avec la Santoire? Alors, j'aime beaucoup hein, cette image de champ sous tension. On peut l'entendre d'ailleurs, la police s'est mise voilà, dans chant, on peut entendre chant, le CHMP, mais on peut aussi entendre chant, CHNT. Hein. Et Dieu sait que la langue de Gracq, elle chante. Hein. Et il a en effet une voix magnifique. Il aurait dû chanter dans un chœur, Gracq. Hein. Je vais dire deux ou trois petites choses ensuite sur Gracq, parce que c'est quand même une figure tout à fait étonnante. Mais cette question, ce qu'il appelle, lui, l'électrisation, moi, j'appelle ça, si vous voulez, je le pense en termes de chorégraphie et de dynamique. Voilà. Hein. Il est évident que dans la matière, le matériau, moi, je ne parle pas de sujet, je parle de matière, hein, dans la matière à malaxer hein, et à mettre en forme par l'écriture, il y a des dynamiques hein, qui se mettent en place. Par exemple, vous voyez l'affrontement père-fils, perpétuel, toujours recommencé, endémique dans cette cellule familiale, par exemple. Vous voyez, voilà. Hein, une autre ligne de tension, c'est la question du travail. Voilà. le travail qu'il faut faire, qu'il faut répéter. Ça serait comme des figures de ballet, les figures du travail, si on file la métaphore chorégraphique, vous voyez, hein. Et par moments, hein, il y a des grandes crises, hein, c'est-à-dire qu'il y a un solo, voilà, hein, Gilles nettoyant les tables, hein, voilà, hein, ça serait une figure chorégraphique. Et la Nadine, hein, et son frère venant, donc sa brève amoureuse, on va dire, hein, c'est un des deux passages où les questions de la vie amoureuse de Gilles, il avait eu comme un autre son histoire d'amour, Gilles, vous voyez. C'est comme le Joseph de Joseph, et c'est comme la félicité d'un cœur simple. Hein. Vous n'avez pas d'enregistrement de Gustave Flaubert. Non, j'ai cherché, mais non. Ça serait un scoop. Voilà, un sacré scoop. Voilà. Alors, vous voyez, je veux dire, par exemple, vous voyez, moi, je conçois beaucoup, hein, le travail d'écriture avec un regard de chorégraphe ou d'architecte. Voilà. Hein. Mettre les éléments En tension et en mouvement les uns par rapport aux autres. Donc je pense que c'est ce qu'entend Julien Gracq avec sa métaphore de l'électrisation. Hein, voilà. Alors Julien Gracq, vous savez quand même qu'il a inventé le vertige horizontal. Hein. Il en parle du vertige horizontal dans les carnets du Grand Chemin. Et il dit, c'est comme ça qu'il appelle cette sorte d'alacrité qui lui donne envie de se rouler dans l'herbe quand il est sur les plateaux de l'Aubrac ou du Cézallier. Hein. Et il parle des plateaux du Cézallier. Alors évidemment, il parle d'Allanche. Hein. Allanche, c'est vraiment un de mes épicentres affectifs, vous voyez. Hein. 1212 habitants, 1000 mètres d'altitude, plateau du Cézallier, Nord-Cantal. Hein. Voilà. Et il en parle puisqu'il y est passé, puisqu'il était grand marcheur. Hein. Et il dit que s'il arrive par là, vous voyez, un soir de septembre, hein, vers 18h, là, quand la lumière est rasante, il se sent saisi d'une crise de vertige horizontal. Voilà, qui lui donne envie de se rouler dans l'herbe. Et ça m'amuse beaucoup parce qu'on pense toujours Gracq, on le voit toujours sérieux, etc. Hein, et il est complètement allumé, en fait, hein, quand on le... Vous voyez. Et il y a une autre, il y a deux photos de Gracq que je vous conseille, que vous trouverez très facilement, qui sont fabuleuses. Vous avez entendu sa voix. Il y a une très grande sensualité dans cette voix. Et il y a une photo de lui, jeune, 40 ans, hein, dans le Lot, là, le village d'André Breton, à Saint-Cirq-la-Popie. Voilà. Hein. On le voit dans l'été de Saint-Cirq-la-Popie. Il y a un mur de pierre sèche derrière lui, et il est là avec Nora Mitrani, hein, qui avec laquelle il eut manifestement un lien, hein, et qui est une très belle jeune femme. Et il est lui-même ardemment sensuel, Gracq, vous voyez. Alors que c'est pas vraiment l'image qu'on a de lui. Hein, voilà. Hein. Mais si vous aviez lu La Maison, le petit inédit là, qui est sorti il y a 2-3 ans, hein, une couverture verte, c'est très court. Hein, si vous n'avez pas lu ça, lisez-le, c'est puissant. Et on a là-dedans une jambe et une chevelure de femme. C'est, voilà, hein. Et il y a une autre photo, enfin, de Julien Gracq, qu'on trouve facilement aussi. Alors là, il est âgé, il est sur une barque, donc sur la Loire. Il a une chemise à carreaux bien boutonnée, un petit, vous savez, c'est même pas un pull avec des manches, c'est je sais même pas comment appeler ça, une sorte de pull sans manches, mais avec un col en V, vous voyez, hein. Vous voyez, c'est un article pour homme qu'on ne fait plus tellement. Hein. Bon, donc il est comme ça, il a la petite casquette, il rame. On le voit de face. Et de trois quarts d'eau, on a un autre homme, beaucoup plus jeune, rose et bien en chair, un peu replet, en short, on voit ses cuisses. C'est Régis Debray. Et c'est Gracq qui rame. Oh, j'adore cette photo. Elle est extraordinaire. Donc Gracq est plein de surprises. Mais j'aime beaucoup que vous parliez justement de ces deux photos, puisque ça fait penser à un magnifique texte de Pierre Michon, Corps du roi. Ah oui. Où il s'interroge sur... d'une observation d'une photo de Beckett, et il reprend cette idée d'un grand historien, Kantorowicz, qui dit que le roi a deux corps, un corps physique et un corps symbolique, et il le renvoie au corps de l'écrivain. Et donc ça renvoie forcément vous à cette thématique du corps, c'est-à-dire qu'il y a le corps qu'on voit et le corps symbolique. Et ça vous relie. Et si j'osais, j'écrirais un livre qui s'intitulerait « Corps de l'écrivain », honnêtement. Parce qu'alors là, Il y a matière à délire, mais bon, je ne voudrais pas avoir des ennuis. Donc... On va avoir la chance de vous entendre sur une deuxième lecture où on découvre justement ces deux personnages, Claire et Gilles. Et Claire qui a, elle, les mots, et vous avez des phrases absolument admirables justement pour voir à quel point le personnage de Claire cherche les mots et les mots justes et son rapport justement sous tension avec son frère. Marie-Hélène Lafont, on vous écoute. Son frère se rapproche encore de l'écran bombé. Vous vous souvenez des écrans bombés des télévisions ? Son frère se rapproche encore de l'écran bombé, comme s'il écoutait vraiment ce que disent les invités de l'émission qui sont nombreux, se lèvent, vont chanter, reviennent s'asseoir. Les lumières sont rouges et bleues et les gens ont l'air contents. Ils sourient avec des dents très blanches. Les femmes secouent leurs cheveux jaunes. Claire sait que l'on dit blond, mais elle pense jaune. C'est toujours comme ça. Elle choisit des mots dans sa tête pour dire les choses, des mots décalés qu'elle garde pour elle. Elle voit le dos penché de son frère, sa nuque, son pull vert. Ses oreilles ne sont pas décollées du tout. Elle a remarqué que beaucoup de garçons ont les oreilles décollées. Certains hommes aussi, comme le facteur qui passe à la ferme, ou Félix, ou le nouveau professeur de maths qui est arrivé cette année au pensionnat et fait parfois des allusions sexuelles qu'elle ne comprend pas complètement, mais elle sait que c'est très sexuel. Monsieur Vidal vient de Clermont-Ferrand, où il repart chaque jeudi soir dans une 4L bleue. Il habite du lundi au jeudi dans une chambre de l'internat que les sœurs lui louent. Cher. Il dit que c'est trop cher. Il ajoute que les bonnes sœurs savent compter et que Saint-Flour est un trou. Il est barbu, moustachu, ses cheveux sont longs, ses sourcils et ses cils aussi. Elle n'avait jamais vu ça, autant de poils et de cheveux pour une seule personne. Ses grandes oreilles roses et pointues dépassent de chaque côté de sa tête et sa bouche est très rose, presque rouge. Avec les filles de sa classe, au début, elles ont beaucoup ri, en se moquant en cachette parce que M. Vidal fait peur. Ensuite, très vite, elles ont adoré les cours de maths. Tout, les calculs, les ensembles, la géométrie. Elles répètent que M. Vidal est un prof génial. Elles ont encore peur, mais elles ont oublié les oreilles décollées. Le samedi soir, elle reste avec son frère devant la télévision, si le père ne les en empêche pas. Elle est toujours partagée. Elle a envie de monter, d'être dans sa chambre et dans son lit, d'éteindre le plafonnier, d'allumer la lampe de chevet et de lire, comme elle le fait surtout le vendredi et le samedi, mais pas le dimanche, parce qu'il faut se lever très tôt le lundi pour aller prendre le car. Elle ne peut pas lire dans son lit au pensionnat. On ne peut pas lire dans un dortoir de 30 lits. Personne ne le fait. On est avec les autres filles dans leur bruit, dans leurs gestes, on se regarde, on s'envoie des signes, on rit, on range ses affaires, on se laisse porter jusqu'à l'heure du coucher qui arrive vite. On ne sent pas passer le temps au dortoir. Elle aime la vie du pensionnat. Elle l'a aimée tout de suite. Dès la première journée de sixième, elle a été soulagée et elle s'est sentie à sa place. Quand toutes les pensionnaires sont couchées à 10h moins le quart, après la prière très courte, qu'une sœur dit à voix haute, la sœur Eliane ou la sœur Paul, la surveillante éteint les lumières. On a chaud dans son lit, on est bien. Elle tombe dans le sommeil comme une pierre. À la ferme, chaque fin de semaine et pendant les vacances, c'est plus difficile pour s'endormir. Même maintenant, avec la lampe de chevet qui dessine un rond doré, et même avec un livre. Elle s'arrange pour avoir toujours un livre avec elle à la ferme, de préférence un livre du programme que le professeur a donné à lire. C'est mieux, c'est plus efficace. et plus solide qu'un livre de fantaisie. Et les livres de fantaisie sont rares. Elle se demande comment s'endort son frère, qui ne lit pas de livres et n'a pas de lampe de chevet. Ils monteront ensemble, sans parler, lui devant elle. Il entrera dans le noir de sa grande chambre, avancera de 2 ou 3 pas jusqu'à l'interrupteur. Un trait de lumière jaune fusera sous la porte qu'il aura fermée et elle n'entendra plus rien jusqu'au lendemain matin à 6 heures quand sa mère frappera plusieurs fois à cette porte en répétant « Gilles, Gilles, c'est l'heure » d'une voix de plus en plus forte. Sa mère entrera dans la chambre, ressortira, descendra, remontera. Claire entendra tout et sentira la peur suinter à travers les cloisons de bois. Elle restera réveillée dans son lit, les yeux fermés, les bras et les jambes rangés raides sous le drap, même quand son frère se sera levé, aura descendu l'escalier et refermé derrière lui la porte du couloir. Elle finira par se rendormir. Elle ne lit pas le matin. Son frère reprendra la ferme. Il doit allaiter le matin et le soir. Il a commencé depuis qu'il est entré dans cette école où il prépare le brevet agricole en alternance. Le système s'appelle comme ça. Il passe 3 semaines en cours et 1 semaine à la ferme. Ils ne partent plus ensemble très tôt le lundi matin par le car jusqu'à Saint-Flour. La mère emmène Gilles en voiture après la traite du matin. Les cours ne commencent qu'à 10 heures le lundi dans cette école pour que les fils de paysans puissent aider leurs parents à traire avant de rejoindre l'internat. Ce qui est très beau, ce qu'on entend, ça renvoie à ce premier titre d'une nouvelle qui donnait chair à ce personnage de Gilles, qui est Vie de Gilles. On est quasiment aussi dans la légende, dans ce monde aussi qui n'est pas forcément décrit, puisque Claire, elle, sort de ce monde grâce aux livres, et vous l'écrivez, vous le dites, grâce à l'école. Les livres de fantaisie sont rares. Je vais vous faire entendre la voix d'un écrivain qui a beaucoup compté, qui vient lui aussi de ce qu'on appelle la province, de la ruralité. C'est la voix extraordinaire, le phrasé également laid, de Pierre Bergougnou, qui va nous dire justement que lui, lorsqu'il découvre l'écriture, il se rend compte qu'il y a des livres qu'il lit, qui racontent des histoires de princes, de rois, mais aucun livre qui raconte ce qu'il vit, lui. Et il a besoin, lui justement, un besoin vital d'écrire ce qu'il voit. Et il parle même de miracles. On va entendre cette voix de Pierre Bergougnou. Pour l'enfant que vous étiez, l'expérience de la littérature, j'ai l'impression au départ, pour l'enfant que vous étiez, et vous le dites d'ailleurs parfois, c'est celle d'un décalage. Vous parlez parfois de déchirure et même de vide. Qu'est-ce qui leur manquait aux livres de votre enfance, de votre adolescence ? Il leur manquait l'expérience assortie. Je sors des reléguées provinces du sud-ouest. Je prononçais un nom un peu exotique, je sors de la Corrèze. Pour l'édification des auditeurs, ce sont les voitures qui traînent un 19 à l'arrière et à l'avant, qui roulent à 30 à l'heure sur la voie de droite du périphérique extérieur. Ça y est. Et j'avais constaté très tôt que les livres renvoyaient invariablement à des lieux où je n'avais jamais mis les pieds, à des gens que je n'avais jamais croisés, tandis que les choses prochaines et les gens parmi lesquels je vivais n'apparaissaient jamais entre les plats de couverture des volumes imprimés. Et c'est pour combler ce vide, justement, Pierre Bergougnou, ce décalage, que vous avez commencé à écrire. Pour représenter un monde, si je vous comprends bien, celui de votre passé, celui de la Corrèze rurale, celui que vous appelez parfois, avec cette expression que seul vous pouvez avoir, le cul de basse fosse du territoire national. J'ai dit ça. Vous avez dit ça. Bon. Vous l'avez même écrit. Quand vous dites « je suis miraculé », Pierre Bergougnou, je l'ai lu, qu'est-ce que vous voulez dire ? De quel miracle êtes-vous le produit ? Eh bien, de la possibilité tardive d'accéder à cette version élaborée, approchée, précise de notre expérience qui était restée jusqu'alors sans légende. maintenant une pédanterie de prof. Légende, alors ça vient du latin, c'est legenda, ce qui doit être lu. Et nous ne disposions pas du texte assorti à l'existence que nous menions dans les bois ombreux et les vallons fangeux. Donc je me suis dit, ça suffit. Je ressens l'extrême besoin de cette version un peu élaborée de la vie que nous avons tous. Et puisque personne ne semble s'être soucié de l'obtenir, eh bien je vais y travailler. Sachant qu'il faut quand même avoir atteint, je pense pour les hommes, les dames, je ne sais pas, mais pour les hommes, il faut avoir atteint et peut-être dépasser un petit peu la trentaine avant que l'espèce de tourbillon dans lequel on se trouve épris ne s'assagisse un peu et que l'on ne puisse porter noir sur blanc sur le papier ces choses qui, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été écrites, restent flottantes, indéterminées. Pierre Bergogneux, de dire porter sur le papier des choses qui restent flottantes et indéterminé. Et ce qui est très beau dans le texte que vous avez lu, Marie-Anne Lafont, vous dites la chose suivante, comme ça il y a des phrases absolument saisissantes, aussi sur l'écriture et sur la justesse des mots. Claire sait que l'on dit blond, mais elle pense jaune. Est-ce que, d'une certaine manière, vous vivez comme Pierre Bergogneux, comme une sorte de miraculé, comme une sorte de miracle de l'écriture, sachant que pour lui, l'écriture vient après 30 ans, vous, elle vient à 34 ans? Il a le sens de l'épopée. Hein. Il est déjà, il parle toujours comme on écrit, quoi. Il ne manque pas une liaison. Il va vous chercher l'adjectif juste. Pof, ça tombe, comme on le dit, d'un vêtement. Ouais, c'est fascinant. Hein. Moi, je pourrais l'écouter pendant des heures comme ça. Alors, miraculé. Il y a une dimension un peu épique là-dedans, vous voyez, qui est sans doute un peu trop grande pour la vision que j'ai de la trajectoire qui est la mienne. Voilà. Je dis volontiers que l'école m'a permis d'inventer ma vie, comme elle l'a permis à beaucoup de filles nées dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans le milieu dans lequel je suis née. Bon. Elle était là, l'école, et elle enrôlait les filles dont on savait que les choses tournant comme elles tournaient, elles n'auraient pas de place dans le futur des fermes, si futur des fermes il y avait. Voilà. Hein. Et ça, c'est très générationnel comme trajectoire, vous voyez. Donc, voilà, le mot miracle est trop rutilant. Il est trop épique. Voilà. Il est juste, mais... c'est trop grand. Mais combler un décalage, alors, cette idée de alors, ce besoin de représenter un monde oui, que l'on ne retrouve oui. pas. Alors ça, il y a évidemment ça. Alors je dis l'école, mais je dis aussi, et Pierre Bergogneux le dit mieux que moi, ma génération et les quelques-unes nées 10 ans avant moi, et puis celles nées après, doivent énormément à la révolution mécanique, hein, c'est-à-dire au tracteur, hein, et à la mécanisation. Hein, parce que, évidemment, à ce moment-là, le personnel requis n'est plus le même. Hein, et les conditions économiques de production, c'est pas à Pierre Bergogneux que je vais faire dire ça, ça compte. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être pas très glamour, la révolution du tracteur, mais c'est fondamental. Alors, évidemment que ce que Pierre Bergogneux dit, alors je crois que Pierre Bergogneux, il est né peut-être en 48 ou en 49, hein, et donc moi 15 ans après, on va dire, hein, ce qu'il dit de l'absence, en effet, dans ce que nous lisons quand on parcourt un cursus d'études, hein, l'absence dans ce que nous lisons, hein, de ce CEUX, alors ce que c'est eux, mais de ceux CEUX, hein, avec lesquels, quand on est enfant de paysan, hein, on grandit. Voilà, ceux qui sont nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos parents, les parents de nos camarades de classe, leur façon de faire, leur façon de travailler, leur façon de penser, d'être, de manger, de gagner l'argent, de ne pas le dépenser, d'acheter une voiture, une Citroën si possible, etc. Tout ça, c'est pas dans les livres. Ça, c'est sûr. Voilà. Hein. Alors, moi, je ne peux même pas dire que j'en prends conscience. Je peux dire que ça a toujours déjà été là. Voilà. Hein. Et que de façon très instinctive. À partir du moment où j'ai eu le désir d'écriture, j'ai su que si un jour j'écrivais, c'est cette matière-là que j'écrirais. Voilà. Je n'irai pas chercher la matière ailleurs. Voilà. Et il me paraissait d'autant plus nécessaire de l'écrire, cette matière, qu'elle m'était donnée par tous les adultes qui faisaient autorité, comme devant finir. Non finissant, pas de finir. Voilà, hein. C'est la fin des terroirs, c'est les derniers Indiens. Voilà, hein. Vous voyez, ça, c'est une litanie, hein, qui est très ancienne et dans laquelle j'ai grandi. Donc, ce qui est menacé, ce qui est frappé d'obsolescence et menacé de disparition, doit être inscrit, voilà, hein, voyez, dans une sorte de nomenclature qui serait celle de l'écriture. Voilà, hein. Doit laisser trace, une trace qui devrait être aussi parfaite que celle que laissent les oiseaux ou les renards sur la neige, et qui devrait être moins fugace. Voilà. Ça serait ça. Vous voyez ? Bon. Donc, je précise une chose, hein, concernant Pierre Bergougnoux, que j'ai eu le bonheur de le connaître et d'en avoir souvent avec lui parlé de ce que je vais vous dire là, hein. Et il en convient volontiers. Le rapport qu'il peut avoir, ou que je peux avoir, indépendamment de notre itinéraire et de la différence aussi, quand même, d'âge, qui ne fait pas une génération, mais que nous avons, le rapport que nous pouvons avoir à ce socle-là, vous voyez, hein, il n'est pas le même, parce que chez moi, il est totalement frontal, puisque ce ne sont pas mes ancêtres, hein, ni même mes grands-parents qui furent paysans. Ce sont mes parents et mon frère, jusqu'en 2018. Hein, voilà. Et il y a donc, si vous voulez, je ne vois pas d'autres mots, hein, mais il y a une frontalité du rapport à cette matière, hein, qui n'est pas présente, et Pierre Bergougnoux est le premier à le considérer, hein, qui n'est pas présente chez lui, qui n'est pas présente non plus chez un Pierre Michon, par exemple. Vous voyez, hein, il y a au moins une génération intermédiaire. Chez Pierre Michon, une seule. Chez Pierre Bergougnoux, plusieurs. Plusieurs, hein. Et il le dit lui-même, hein. Il le pense, parce que c'est un homme qui a une puissance de pensée absolument phénoménale, donc il arrive à tout penser, hein. Ça, c'est quand même impressionnant, hein. Voilà, bon. Donc ce que nous disions, vous voyez, au début de cet entretien, sur la présence obsessionnelle des registres, des registres des sens, de tous les sens, hein, dans ma manière d'écrire cette matière et de lui donner forme, elle est extrêmement liée justement à cette frontalité. Voyez, hein, j'ai pas entendu raconter les gestes, hein, du travail, par exemple, du ratelage. Hein, je les ai vus et ensuite je les ai appris. Hein, il a fallu que je les apprenne. Mais par exemple, moi qui n'étais pas vouée à devenir paysanne, hein, on a bien tenté une fois ou deux de me faire apprendre à conduire le tracteur, c'était catastrophique. Hein, on s'est dit que ça allait mal finir, donc on a cessé là les expériences. Hein, et par exemple, on ne m'a jamais appris à traire, ça ne me servirait à rien. Voyez, hein. Et ma mère, par exemple, hein, je dis notre mère parce que j'ai une sœur, hein, qui avec sa propre mère, hein, avait un savoir-faire magnifique, vous voyez, pour ce qu'on appelle d'un terme vernaculaire dans le Cantal la mangougne, c'est-à-dire la transformation de la viande du cochon, hein, elle n'a jamais voulu que ma sœur, surtout ma sœur qui avait des aptitudes, pas moi, hein, mais que ma sœur ou moi, hein, participions et apprenions. Elle nous disait, ça ne vous servira à rien, vous ne tuerez jamais de cochon. Voilà ce qu'elle nous disait. Voyez. Donc, voilà, c'est la prise directe, hein, ça fonde quelque chose. Hein, dans la transmission ou dans la non-transmission. Hein, ce qui fait écrire aussi, évidemment. Peut-être même davantage. On évoquait Julien Gracq avant. Vous parliez des carnets des grands chemins, mais il y a aussi ce titre... que vous pourriez aussi épouser en lisant. Oh là là, en lisant, en écrivant. C'est-à-dire le même geste. Mmh. Et les livres sont essentiels pour le personnage de Claire, et certains plus que d'autres. Vous l'évoquez vous avez consacré deux ouvrages à un écrivain qui est absolument fondamental pour vous, qui est Gustave Flaubert. Vous l'écriviez dans votre Flaubert, en classe de 4e au pensionnat de Saint-Flour en 1975. On me fait lire Madame Bovary. Je crois n'y avoir à peu près rien compris, mais je fus embarqué. Ça a débuté comme ça, dirait l'autre. Avec Gustave, ça a débuté comme ça. En 4e, et à Saint-Flour, sous la vive férule d'une jeune femme remplaçante qui avait de longs cheveux plats et blonds. C'est au point que je me souviens seulement du sujet de rédaction dont fut assortie cette lecture, inaugurale, car ce fut une lecture inaugurale, carrément. Inventer un avenir pour Berthe, carrément. On avait de ces audaces pédagogiques, de ces élans créatifs en 1975 en classe de 4e, au pensionnat de Saint-Flour. Et avant de vous entendre lire justement un extrait où le personnage de Claire découvre Madame Bovary, on va justement entendre la voix de Pierre Michon dans un entretien, une émission consacrée à Flaubert, aux correspondances de Flaubert, où Michon parle à la fois de la documentation très importante dont avait besoin Flaubert pour écrire notamment Salammbô et du rôle qu'a joué pour lui Madame Bovary. Pierre Michon. Parfois, vous citez d'ailleurs hein, dans vos interviews qui sont rassemblées dans Le Roi vient quand il veut. À un moment, vous dites qu'il dit qu'il appelle ça les aigrettes de feu quand les mots commencent à scintiller, oui. À flamboyer, quand la matière documentaire se métamorphose presque. Oui, quand elle devient littérature, quand elle se distille, quand toute cette matière inerte est traversée par l'éclair de la création, oui, c'est-à-dire, il trouve des rapprochements soudain. C'est toujours pareil, quand on a beaucoup de matière comme ça, on ne sait pas où est le bon, où est le mauvais, enfin, ce qui va servir, ce qui ne va pas servir. Et tout à coup, la confrontation de deux de ces notes prises à un mois de distance va apporter une belle idée. Et c'est un auteur qui a compté aussi pour vous. C'est certainement un des auteurs qui m'ont le plus sollicité quand j'étais petit, quand j'étais par la lecture qu'a fait un instituteur du début de Salammbô. Oui, vous aviez 9 ans. C'était extraordinaire, extraordinaire. Complètement incompréhensible. Carthage, ça n'existait pas. Et tous ces noms, toutes ces peuplades. Il a lu le premier chapitre de Salammbô. Il m'a touché très vite aussi par Madame Bovary quand j'avais, comme tout le monde, 17 ans, je ne sais pas quel âge. Et Madame Bovary est restée un des rares livres, il y en a 4 ou 5 comme ça dans ma vie, que je relis tous les 3 ans, tous les 2 ans. Je dirais Madame Bovary, Les Misérables, Le Grand Môle, il y en a pas 50. Les autres Flaubert, non, Les Trois Contes. Les Trois Contes qui sont Saint-Julien l'Hospitalier. Bien sûr, ma découverte flaubertienne, flaubertienne des années adultes, quand j'avais 20 ans peut-être. Avant de vous entendre sur les textes, ce qui est très intéressant, c'est que lui, à 9 ans, et vous, en classe de 4e, vous entendez Flaubert, Madame Bovary pour vous, Salammbô pour Michon, et on n'y comprend rien, mais on sait que quelque chose a eu lieu. Oui, qu'une rencontre a lieu. Oui, quelque chose est arrivé, en effet. Quelque chose est entré dans la cage du temps. C'est vrai. C'est quand même très, très... Je l'avais déjà entendu cet extrait d'émission, mais j'avoue, je n'avais pas fait le parallèle avec alors, on lui a lu, hein, à lui, tandis que à nous, en 4e, on nous a donné à lire, on ne nous a pas lu à voix haute. Hein. En revanche, le texte de Flaubert que j'ai découvert, dont j'ai pris connaissance et qui est devenu pour moi depuis le bréviaire absolu, hein, non seulement des textes de Flaubert, mais de toute la littérature, c'est-à-dire le texte que j'emporterai, si, voilà, c'est Un cœur simple de Gustave, Un cœur simple, donc un des trois contes dont Pierre Michon vient de parler, et ce cœur simple, c'est très court, hein, donc je l'ai lu en une seule après-midi, c'était un dimanche après-midi, c'était dans un jardin d'un lointain printemps normand, et les premières pages que j'en ai, je les ai découvertes par la voix d'une mienne amie qui en donnait lecture à son père, d'une manière rituelle, c'était un rituel de famille, vous vous rendez compte, un dimanche, à l'heure des vêpres, hein, voyez, c'est totalement dans la Pléiade, hein, on n'invente pas, le réel est dément, hein, la Pléiade qui a tout dans le livre de messe, hein, voilà, et c'est resté pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, le bréviaire absolu. Vous voyez, le cœur simple. Et donc j'avais 19 ans quand j'ai découvert le cœur simple de Gustave Flaubert. Ça fait partie, avec Madame Bovary d'ailleurs, hein, des textes que je relis régulièrement. Mais bon, un cœur simple, ça se lit en une demi-heure. Madame Bovary, non. Hein? Bon. Et là, pour le coup, hein, mes minces dynasties paysannes sont dans Un cœur simple. Félicité, elle vient de ce monde-là. Hein, et elle en a les silences et les écrasements. Hein, et ça, c'est d'abord ce que j'ai entendu dans le texte de Gustave Flaubert quand je l'ai entendu. C'est d'abord ça, vous voyez, hein, et ça a été mais, une déflagration dans ma vie. Et c'est d'autant plus paradoxal hein, que Gustave Flaubert, pour le coup, ses racines paysannes à lui, elles étaient très loin. Hein, et c'était un bourgeois fort cossu. Hein, et il a toujours dit qu'un des modèles, je préfère employer le mot source, une des sources du personnage de Félicité, hein, c'était une des servantes qui avait toujours œuvré dans la famille Flaubert, qui faisait partie de la famille, comme on le dit, n'est-ce pas hein, voilà. Je peux vous assurer que la dimension politique de la littérature, là, elle m'a vraiment sauté à la gueule. Hein, voilà, hein, et ça m'a... C'est un ressort qui toujours est tendu et bondé dans ses relectures insatiables et toujours recommencées. Voilà. Alors que moi, pour le coup, je lui ai dit d'ailleurs à Pierre Michon, Salammbô, je ne peux pas. Ça me dépasse. Hein. Je l'ai lu jusqu'au bout, j'ai souffert 1000 morts, je ne recommencerai pas parce que je ne suis pas masochiste et que la vie est courte. Hein. Mais c'est terrible. Hein. Voilà. Alors que lui, c'est son... Voilà, vous voyez, bon... Et vous avez, chez Flaubert, il y a la légende de Saint-Julien l'Hospitalier qui, dans le registre, au fond, un registre plus proche de celui de Salammbô, est pour moi un très, très beau texte. Et il y a Bouvard et Pécuchet. Je l'ai lu très tardivement, je l'ai lu en 2008. Hein. Mais alors, Bouvard et Pécuchet, quelle affaire hein. Il faut le lire, à mon avis, en pièces détachées. Hein. Vous voyez, on peut pièces et morceaux. Hein. Et c'est peut-être, enfin, à mon sens, hein, c'est de tous les livres de Flaubert le plus drôle. Hein. J'ai beaucoup ri en lisant Bouvard et Pécuchet. Hein, voilà. Donc Flaubert, je le dis toujours, est inépuisable. Donc je lis le... On vous entend, effectivement, on va vous entendre lire oui. Un extrait oui. Pendant lequel oui. Oui. Claire oui. Découvre... Oui. Justement, ce livre, oui, et pas n'importe quel livre. Alors, il était question de monter se coucher tout à l'heure, ben ça y est, hein, le frère et la sœur. Ils sont montés. Claire est dans son lit. Dans le rond de la lampe de chevet orange, elle a bien chaud. Ils viennent de voir un spectacle de variété à la télévision. Hein, et il y avait la chanteuse de « Il était une fois », Joël. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joël, de « Il était une fois ». J'ai encore rêvé d'elle. Donc, ils ont vu ça. Elle pense à la bouche rose de la chanteuse, à son pantalon blanc, à ses cheveux jaunes, à la nuque penchée de son frère, aux yeux verts de son frère. Elle pense au pare-brise. Vous verrez de quoi il est question. À la chambre de Monsieur Vidal, au service militaire et à Pierre Santoir. Elle pense que plus tard, le samedi soir, son frère ira au bal avec d'autres jeunes de la commune. Elle va commencer le nouveau livre que la remplaçante de français leur a distribué. Cette remplaçante vient d'arriver. Elle a de longs cheveux plats et roux. Elle est jeune et ses dents du bas sont en désordre. Dès la fin de la deuxième semaine, en dernière heure, elle a apporté une pile de livres de poche. Elle a expliqué ce qu'il faudrait faire, comment, pour quelle date. On a écrit dans les cahiers de texte et on n'a pas eu le temps de commenter parce que le vendredi après-midi, après le cours de français, les pensionnaires doivent se dépêcher de repasser à l'internat pour récupérer leurs sacs et monter ensuite en ville haute avec la navette. Elles prennent les cars qui partent de la place du Foirail et n'attendraient pas si l'on était en retard. Le livre est gros et souple. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Elle ne l'ouvre pas encore. Elle attend un peu. Elle pense à ce que ce garçon disait à la télévision. À cette histoire de bateau, on est sur le même bateau, il disait. Et elle comprend que son frère et elle ne sont plus sur le même bateau. Son frère a été débarqué. Elle s'en va. Il reste dans la cuisine, devant la télé, et elle s'en va. Elle est partie. Je citais cette phrase de Van Gogh, « La tristesse durera toujours », qui renvoyait à la première phrase inaugurale dans votre premier ouvrage de Pierre Bonnard. Vous aviez cité également cette magnifique phrase de Delacroix, « Nous ne possédons réellement rien, tout nous traverse. » Qu'est-ce qui continue à vous traverser dans l'écriture, Marie-Hélène Lafontou, justement ? Parce que c'est à la fois, vous êtes sujet et objet, finalement. Oui, dans totalement. On traverse et on est traversé. Absolument. Donc tout. La lumière et le vent, les saisons, les silences, la joie. Comment ça s'écrit, la joie ? C'est très difficile, vous voyez ? Tout. Voilà, donc... Pour l'instant, parler d'électrisation tout à l'heure, c'est ça. L'électrisation est intense, voilà. Bon, quand ça s'arrêtera, il faudra que j'arrête d'écrire. Vous aviez consacré une très belle émission avec Cécile Coulon aux sources, et vous aviez cette phrase justement dans les sources que j'aime beaucoup. La source serait là, une source, et vous dites du personnage, elle préfère le mot source au mot racine. Et vous terminiez l'émission, vous aviez cette magnifique phrase, cette magnifique question, où vont les livres ? Et vous répondiez, dans le vent, dans la lumière, à la nuit, entre les oreilles des lecteurs. Et c'est déjà ça. C'est déjà beaucoup. Bah oui, merci. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont. Merci à vous. On ne regrette pas de venir. C'est du travail magnifique.